bababou, l'amour. Léon, il a deux sauces qu'elles sont. Léon, un demi saucisson. Léon, Louise, Louise, elle a dans sa chemise une jolie boîte à prise. Allez voir. Léon, il a dans son caleçon un joli saucisson. Allez voir! La pêche, ah, ce qu'elle est courue, la pêche à la morue. Ah, ce qu'elle est courue, la pêche, ah, ce qu'elle est courue, la pêche à la morue. Qu'est-ce qu'il a, ce genre-là? Parce qu'il n'a pas pu descendre pour pisser, ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il a, ce genre-là? Parce qu'il n'a pas pu descendre pour pisser. Oh! Qui est-ce qu'il a, ces gens-là? Parce qu'il n'a pas pu descendre pour pisser. Ouais, ouais. Qui est-ce qu'il a, ces gens-là? Parce qu'il n'a pas pu descendre pour pisser. Allez voir, les amis! Mais on reste clèche, on va faire un dodge. On ira au claco, claco, claco, claco, buzz. Mais on reste clèche, on va faire un buzz. On ira au claco, claco, claco, claque buzz. Bravo! Parce qu'il a l'air bête. Oh, parce qu'il a l'air bête. Oh, parce qu'il a l'air bête. Oh, parce qu'il a l'air bête. T'as le temps que t'en mets. Bravo, bravo. Elle en peut plus. Magnifique, magnifique, elle a lavé, si tu veux faire mon bonheur. Marguerite, Marguerite, si tu veux faire mon bonheur. C'est un délice, allons doucement, sans trop presser le mouvement, c'est palpitant, et ça dure plus longtemps. Allons doucement, sans trop presser le mouvement, c'est palpitant, et ça dure plus longtemps. Charlotte, et c'est moi qui les plotte, c'est grosse totote. Elle a de belles cuisses, ma tante Alice, et c'est moi qui les lisse, c'est elle cuisse. Allons doucement, sans trop presser le mouvement, c'est palpitant, et ça dure plus longtemps. Allons doucement, sans trop presser le mouvement, c'est palpitant, et ça dure plus longtemps. En Italie, en Italie, en Angleterre, c'est notre famille. Allez, allez voir. Non pour rentrer, non jamais pressé pour le retirer. La. En Italie, on pisse soli. En Angleterre, on pisse pareil. Chez nous, en France, ça n'a pas d'importance. Toujours présent pour rentrer, non jamais pressé pour le retirer. La. Est-ce que t'as pas vu la bande? Est-ce que t'as pas vu la bande? Est-ce que t'as pas vu la bande? Elle est si grande, elle est si grande. Est-ce que t'as pas vu la bande? Est-ce que t'as pas vu la bande? Allez voir! Est-ce que t'as pas vu la bande? t'emmerde, te marie pas, te marie pas. Si tu veux pas que ta femme t'emmerde, te marie pas et t'emmerdera pas. Elle te fera le cul, elle te foutra des coups de poing sur la gueule. Elle te fera le cul, elle te fera des pieds dans le cul. Si tu veux pas que ta femme t'emmerde, te marie pas, te marie pas. Si tu veux pas que ta femme t'emmerde, te marie pas et t'emmerdera pas. Fais-nous crédit, on te fera tout ça, ça dit. Si tu veux pas, t'aider à boire, on va te chôler dans ton comptoir. À la piqûre, tout le monde l'endure. Le plus vénard, c'est Copinard. Qu'il rentre tôt, qu'il rentre tard, il a toujours son merveilleux. Bravo! Seule la poissonnière, elle écorche des réouréouré. Elle les vendait si cher que personne n'en voulait. Ouais, ouais. Et Rose, et Rose, et Rosalie, c'est ma bonne amie. Et Rose, et Rose, et Rosalie, c'est ma bonne amie. Nous habitons là-haut, là-haut, pas au premier mais au sixième. Il y fait froid, il y fait chaud. À toutes deux, c'est long, l'on s'aime. Tout près du ciel, on vit heureux. Accordez-vous de ménage. C'est un ménage d'amoureux. Pas au premier, mais au sixième étage. Comme elle est belle, comme elle est belle, comme elle est belle, la bande. Comme elle est belle, comme elle est belle, comme elle est belle, la bande. Zop, zop, zop. Mon père, il est soldat. Il est chasseur à cheval. Et moi, je m'en fiche pas mal. Zop, zop, zop, mon père il est soldat. Il est chasseur à l'île et moi je me fais pas de bif. Elle a perdu son pantalon, sa chemise et sa combinaison. Elle a perdu ses bottes, son soutien-gorge, ses coufous, son culot, son épaule, sa gorge. Elle a perdu son bergenard en revenant de chez du bar. Comme elle l'a tout perdu, toi le voir son cul. Alors dépêchez-vous, reviens son tout plein tout. Les macaronis, les macaronis, j'en peux plus. Les macaronis, ah, ils sont bons quand ils sont cuits. Les macaronis, les macaronis, quand ils sont cuits. Ah, ils sont bons quand ils sont cuits. Les macaronis, les macaronis, les macaronis. Parce qu'ils sont bons quand ils sont cuits, les macaronis, quand ils sont cuits. Hey, hey. Bravo! Merci monsieur, vous êtes gentil, vous êtes formidable, incroyable, magnifique. Je ne peux faire pas de ça.